Marco Douiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 22 février 2022. Voici les grands titres de cette édition. Le président du parti CNL déclare que la personne incriminée par le chef de l'État dans l'organisation d'une manifestation à Bruxelles n'est pas reconnue dans des organes de cette formation politique. Vous les entendrez. Des agriculteurs de Routana et Rouyigui réclament de l'engrais pour lequel ils ont payé de l'argent. Nous appellerons nos correspondants respectifs dans la chronique santé. L'on vous propose une deuxième partie sur le retard des grossesses intra-utérines. Ce sera avec Dr Gabriel Nahayo. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. Le président de la République déplore le comportement des Burundais de la diaspora qui ont organisé des manifestations à Bruxelles contre la levée des sanctions de l'Union européenne au Burundi. De retour de Belgique, Evariste Ndayishimiye a indiqué que c'est honteux de voir que la mobilisation était faite par un membre du parti CNL qui exerce librement ses activités dans le pays. Le président dit attendre la réaction des responsables de ce parti à l'endroit de ses militants qui continuent à ternir l'image de la patrie. On l'écoute. Je dirais que c'était la honte de voir toujours qu'il y a des Burundais négatifs contre l'Europe. Il y en a qui ont manifesté contre la levée des sanctions de l'Union européenne. Bon, il est vrai, ça ne dépassait pas une vingtaine, mais quand même si c'est petit pour perturber la paix et la sécurité, il ne suffit pas d'avoir beaucoup de gens, mais vraiment, j'ai eu la honte de voir qu'il y a encore des Burundais qui n'aiment pas leur pays. Surtout que c'est lui qui mobilisait, c'est un membre du parti CNL. Je ne sais pas si c'est le parti qui l'a mandaté, mais je crois qu'au sein des partis politiques, il faut quand même que la discipline commence. Si un membre d'un parti politique commet l'incommissible et que le parti continue à le bénir, ça montre très bien que c'est la même idéologie. Et nous attendons voir comment le parti CNL va se comporter envers ce membre qui a mobilisé les Burundais, surtout qu'il mobilise des Burundis membres du groupe terroriste qui travaille avec l'ADF à l'est du Congo, qui sont en train de tuer des populations innocentes à l'est du Congo, sont des terroristes. Imaginez-vous un parti agréé qui travaille officiellement, qui sont joués à un groupe terroriste et qui mobilise les Burundais contre le Burundi. Attendons voir la réaction de ce parti envers ses membres qui sont allés souiller le Burundi devant la communauté internationale. Aucun parti politique ne peut dire qu'il a manqué ou s'exprimer. Si jamais d'ailleurs il manque ou s'exprimer, qu'il demande de faire une manifestation ici dans le pays. Pourquoi monter dans l'avion pour aller manifester en Europe? Pourquoi ne pas manifester ici? Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, pour le président du parti CNL, ces allégations du chef de l'État burundais traduisent une dent que le pouvoir a contre le parti CNL, selon le président de cette formation politique. Le député Agathon Rwasa précise que Memagera n'apparaît nulle part dans les organes de ce parti. Il doute également de la garantie du droit de manifestation burundi évoqué par le président de la République. Suivez. J'ai entendu le président dire que les gens du CNL ont quitté le Burundi par voie aérienne pour aller manifester. Je pense que ça, c'est quand même une accusation gratuite. De toute façon, les migrations sont contrôlées, les services concernés peuvent vérifier les départs du Burundi, de quels sont ces militants qui ont quitté le Burundi pour aller manifester à Bruxelles. Par ailleurs, j'ai senti des sentiments très négatifs lorsqu'il dit qu'on est associé à des groupes qui sèment la terreur dans l'est du Congo. Moi, je me dis que soit ces services de renseignement lui font de faux rapports, soit il y a un agenda caché par rapport à cette question sécuritaire. La société civile congolaise déplore la présence de ces groupes-là qui sèment la terreur. La liste que cette société civile-là évoque, il n'a jamais été fait mention du CNR. Je pense que le parti CNR est sur le terrain ici au Burundi. Les organes du parti sont ici au Burundi et le rapport actualisé a été donné au ministre de l'Intérieur. Depuis que le CNR existe, il ne figure nulle part sur la liste des responsables du parti, son nom de manière aimée. Il dit que s'il y a une question qui tient à cœur, que le débat doit se faire au sein du forum des partis politiques. Il est régi par quelle loi? Le droit de manifester est consacré par la constitution burundaise. Malheureusement, je pense que si on marmène les gens pour une simple réunion dans une permanence, ça ne serait pas aisé d'accepter que les gens manifestent sur la voie publique. S'il faut manifester pour soutenir le pouvoir, là vraiment c'est automatique. Mais s'il faut exprimer en grief, je pense que non. le député Agathon Rwasa, président du parti CNL. 38,1% de plus de 200 000 employés au Burundi. Voilà le pourcentage qui représente les immatriculés pour qui les employeurs cotisent mensuellement dans les institutions de sécurité sociale. Ce chiffre a été avancé par le président de l'association des retraités au niveau national. Il appelle le recouvrement forcé. Selon toujours Ildefonso Muhutu, président de la dite association, ne pas cotiser une pension pour un employé, c'est une faute lourde. Suivez-le au micro d'Evariste Nzikobanyang. Ça, c'est un crime. C'est un crime pour les travailleurs. C'est un crime pour les employés. Sur un effectif de 212 248 employés des secteurs publics, parapublics et privés, seuls 80 801, soit 38,1%, cotisent, pendant que 131 447, soit 68,9%, ne cotisent pas. Ça, c'est vraiment malheureux. C'est la gestion de l'INSS, c'est beaucoup à désirer. Et encore, il y a des dettes énormes à recouvrer. Près de 719 milliards de francs à recouvrer. Donc, il y a encore plus de 379 millions de francs de crédits accordés aux agents qui ne sont plus même à l'INSS. Donc, il faut recouvrer toutes ces dettes et bannir Soma. C'était le président de l'association des retraités au niveau national. Il s'appelle Ildefonso Muhutu. Le courage, la détermination des joueuses de la sélection féminine nationale de football leur ont permis de décrocher le ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au Maroc le mois de juillet cette année. Propos de Jenny Kabura, présidente du football féminin dans la Fédération du football du Burundi. La multiplication des matchs amicaux est la formule que la fédération compte adopter en vue de bien se préparer pour la CAN 2022. On a accueilli la victoire d'hier avec une très bonne joie parce que c'est une victoire que l'équipe nationale de Inama Murugamba féminine a donnée à tous les Burundais ou Burundaises. C'est une grande joie ici dans notre pays du Burundi et la fédération du Burundi aussi. Premièrement, on a raconté l'équipe nationale. Nous étions ensemble avec les commissaires de football féminin et quelques membres du comité exécutif. Quand elle était en train de faire l'entraînement, nous étions là pour donner encouragement parce que si vous êtes en train de préparer le match, ce n'est pas moindre. On est allé encourager l'équipe nationale, même le staff, pour faire très bien dans les matchs qui se déroulent en Ngozi, précisément au stade de Rukundo. Nous allons aussi profiter des matchs amicaux dans les pays limitrophes et dans les deuxièmes divisions masculines qui se jouent ici dans les ligues B pour que l'équipe nationale de football féminin parte au Maroc avec beaucoup de bagages et de formations pour aller gagner le match avec d'autres différents pays qualifiés au Maroc. Une personne de 55 ans a été tuée, poignardée. C'était à 20h la nuit de ce lundi à mardi sur la colline Rusororo de la commune Rugombo en province Cibitoke. Selon le commissaire communal de la police à Rugombo, la victime a été poignardée après une querelle sur une dette de 500 francs burundais. Cette même autorité policière indique que 3 personnes sont déjà appréhendées pour enquête. Et la haute cour kényane a ordonné le gel de l'équivalent de 238 millions de shillings saisis par les services de douane de la Kenya Revenue Authority à l'aéroport international Jomo Kenyatta la semaine dernière. La présidente de cette cour a exigé que l'argent soit gelé pendant 90 jours. Le voyageur Paul Kembo a été intercepté jeudi dernier avec un colis contenant 2 millions de dollars américains. On fait le point avec Moïse Misago. Selon le site Kenya News, la juge de la haute cour, Esther Maina, a ordonné ce lundi que l'argent soit gelé pendant 90 jours à la suite d'une demande de l'agence de recouvrement des actifs. Les documents déposés au tribunal montrent qu'une déclaration d'expédition avait été déposée au Kenya vers le Royaume-Uni auprès de l'expéditeur pour les 2 millions de dollars indiqués sous le nom de Brinks Kenyan Limited, tandis que le destinataire était indiqué sous le nom de Brinks Global Services UK, écrit toujours Kenya News. L'agence de recouvrement a déclaré que l'argent provenait de Bujumbura au Burundi et était destiné au Kenya, mais qu'il avait été intercepté alors que le voyageur tentait de l'expédier à Londres sans être déclaré. L'article 12, alinéa 1 de la loi sur le produit du crime et la lutte contre le blanchiment d'argent exige qu'une personne déclare tout montant supérieur à 10 000 $ au point d'entrée. Le voyageur, identifié comme Paul Kemboy, a été intercepté jeudi à Jomo Kenyatta International Airport avec le colis contenant l'argent. Dans un communiqué sorti le 17 courant, Kenyan Revenue Authority demande à tout passager entrant ou sortant de déclarer l'argent à sa possession. Merci Moïse. Missag, on reste dans la région est-africaine, ouvrira des conteneurs de la mission des Nations Unies pour le Congo Monisco qui avait été suspecté par la population comme contenant des armes à destination des rebelles ont été ouverts lundi en présence des autorités administratives et la société civile. Rien de compromettant n'a été retrouvé. Correspondance, Jérémy Kouhima. Cette opération est liée au nouveau site de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo Monisco, sise au quartier Rutemba, au nord de la ville. Le maire adjoint Kifara Kapenda Kiki, qui a supervisé l'activité, donne ici ses témoignages. Notre partenaire nous a garanti la transparence et qu'il n'en était absolument pour rien pour tout ce qui se disait. On a fermé le bureau de Kalemie. On est en train de rapatrier tout ce qui était à Kalemie vers Uvira. Ce que nous avons vu dans tous ces conteneurs ici, ce ne sont que des bureaux et des camps de la MONUSCO qu'on va construire à ces lieux-là. Jusque-là, en tout cas, il n'y a rien de contraire. Il n'y a absolument rien, si ce n'est qu'effectivement ce que nos partenaires... Non, mais les équipements militaires, est-ce que la MONUSCO ici n'a pas des armes? Il a des chars de combat et la population connaît, il y a des armes et tout, ça devient dans leur mission. La nouvelle société civile était accusée comme ayant intoxiqué la population contre la MONUSCO. André Biadouni a aussi donné son témoignage. Nous n'avons pas remarqué quoi que ce soit de très grave en rapport à l'aspect militaire, sauf que nous avons trouvé qu'il y a des tentes pour les militaires. Bon, c'est habituel parce que nous savons que la MONUSCO a des facettes. Il y a la facette civile et la facette militaire. Et donc, pour nous, ça n'a pas été une surprise. Mais parler des armes, on n'a rien trouvé. Nous voudrions rassurer la population congolaise, surtout celle d'Ouvira et du site Kivu, que dans les conteneurs, rien de spécial en termes de munitions, en termes d'armes que nous avons trouvées. Retenez enfin que 36 conteneurs au total sont venus de la province de Tanganyika où la mission a fermé ses bureaux. Une fois au port de Kalundu, à bord du MV Amani de l'ancien président de la RDC Joseph Kabila Kabange, des messages ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux comme quoi il y avait des armes à bord de ces conteneurs et qui avaient la destination inconnue, mais d'autres ont pensé que ces armes allaient ravitailler des groupes armés. Depuis Uvira, Jérémy Kouhima pour Radio-Télévision Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Pénurie de fertilisants agricoles dans la province de Ruyigi. Certains cultivateurs rencontrés ce lundi devant les portes fermées du stock de distribution en commune de Ruyigi disent qu'ils cherchent le fertilisant pour le semis, mais sans succès. À la direction provinciale en charge de l'agriculture, on fait savoir que l'engrais qui était disponible dans la province est épuisé depuis dimanche et précise que d'autres quantités vont arriver à tout moment. Jean-Claude Chimirimana. À notre passage ce lundi à midi, au stock de distribution du fertilisant agricole FOMI, si près du marché de Ruyigi, une centaine de cultivateurs, hommes et femmes et tous confondus, attendaient en face des portes fermées du distock. Ces cultivateurs s'indignent du manque d'engrais en cette période de semis. Nous sommes venus chercher l'engrais, c'est la troisième fois que je me présente, mais sans succès. Vraiment, il faut qu'on nous envoie cet engrais, sinon ma famille sera exposée à la faim. Ça fait quelques jours que nous venons à la recherche d'engrais, mais nous rentrons sans être servis, puisqu'il est soit en petite quantité, soit n'est pas disponible du tout, comme c'est le cas pour le moment. Nous attendons désespérément, même actuellement, puisque comme tu le vois, le stock est fermé. Selon ces cultivateurs, l'engrais devrait être distribué à temps. Il serait mieux de nous donner le fertilisant à temps pour semer actuellement afin de terminer le semis avec début mars. Ces cultivateurs expriment la crainte de mauvaises récoltes suite au retard de distribution du fertilisant agricole FOMI. Notre proposition est qu'on nous amène le fertilisant agricole à temps, qu'on ne nous donne pas de l'engrais qui ne serait utile en rien car si on sème avec retard, on ne peut pas avoir de bonnes récoltes. Contacté à ce sujet, Renova Simozeye, directeur provincial ayant l'agriculture dans ses attributions, fait savoir que l'engrais a été épuisé ce dimanche dans la province Ruyigi. Néanmoins, il indique que d'autres quantités d'engrais sont en route et qu'elles seront disponibles à tout moment. Au sujet des ruptures répétitives de stocks de fertilisants, Renova Simozeye explique que cela est dû à une forte affluence de cultivateurs au retrait en cette période de semis du haricot pour la saison B. Toutefois, il tranquillise les agriculteurs qu'ils auront tous le fertilisant agricole en quantité commandée sans aucun retard pour le semis. Jean-Claude Nchimirimana, Ruyigi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude. Même situation dans la province de Rutana où les agriculteurs s'indignent de la pénurie de fertilisants Fomi Imbura pour cette saison culturelle. Certains agriculteurs rencontrés disent qu'ils viennent de passer 3 jours à la recherche de ce produit, mais en vain. Ils logent devant les stocks à la Belle Étoile. Le directeur provincial en charge de l'agriculture, Pierre Claver Wagurikunda, tranquillise ses agriculteurs et rassure que tous auront du fumier avant le 15 mars 2022. Et malheureusement, nous ne parvenons pas à joindre notre correspondant Vénuste Nhiramheba depuis Rutana. Ce n'est que partir en mise rendez-vous dans notre édition de la soirée à Rutana. Il est 13h12 comme à Bujumbura. Radio Isanganiro, chronique santé. Différents examens dont l'échographie sont faits pour détecter si la femme enceinte est touchée par le retard de croissance intra-utérine. Le gynécologue Gabriel Nahayo indique que lorsque les examens le confirment, suit la prise en charge de la patiente constituée par des conseils, se reposer suffisamment chez les femmes enceintes. C'est l'un des meilleurs moyens de se prévenir contre le retard de grossesse intra-utérine. Ornella Boccio. Lorsque la présence d'un retard de croissance est soupçonnée, différents examens doivent être faits, dont l'échographie, qui est par ailleurs l'examen clé. Le gynécologue Gabriel Nahayo précise que l'échographie aide à suivre le poids du fœtus. L'examen roi, c'est l'échographie. Alors l'échographie mesure l'enfant, estime son poids et donc fait le diagnostic du retard de croissance intra-utérin. À côté de cet apport dû à l'échographie, on peut également utiliser certaines options de l'appareil, lorsqu'il en a, pour étudier la vascularisation du cordon, étudier la vascularisation utérine. À côté de l'échographie qui est d'un grand apport, il y a les analyses du sang pour montrer la quantité de sang, justement, exclure l'anémie ou bien le démontrer, ou bien à la recherche d'autres pathologies, le diabète, les maladies rénales, ou bien les maladies infectieuses, etc. Le traitement dépend de la cause et la prise en charge consiste en général à éliminer les causes détectées. La prise en charge consiste à déterminer l'âge de la grossesse pour savoir si on peut faire naître l'enfant et puis traiter les problèmes les plus importants qu'on trouve. Lorsque on trouve une cause qui est curable, une anémie, un trouble glycémique, un diabète, lorsqu'il y a des drogues qui sont consommées, de l'alcool, etc., on pousse à l'élimination de cette cause et c'est faisable. Je vous dirais d'ailleurs tout de suite que le traitement qui fait partie de la politique nationale de prévention de cette maladie, le traitement martial, ça veut dire l'apport de fer aux mères enceintes, est un apport qui est généralisé chez nous et qui est très utile pour les femmes, surtout les femmes de l'intérieur qui sont le plus souvent anémiques. Le meilleur moyen de prévention, c'est d'éviter les facteurs favorisant l'apparition de ce problème. Il y a des causes prévisibles, notamment l'anémie, notamment les maladies importantes, l'hypertension, le diabète, les consommations d'alcool, les consommations de drogue. Toutes ces causes prévisibles, si on les réduit, on diminue la fréquence des retards de croissance intra-utérin. Il faut écarter ces causes lorsqu'on les retrouve. Pour le reste, la prévention va se limiter à traiter les causes qu'on a retrouvées pour améliorer l'alimentation de l'enfant et donc améliorer sa croissance. Le gynécologue Gabriel Nahayo conseille aux femmes enceintes de faire des consultations à temps pour le suivi de cette grossesse. Le retard de croissance intra-utérine est la première cause de mortalité néonatale selon le site internet de l'AFP. Merci, Onera Mouto. Merci, docteur Gabriel Naye, pour ces éclairages. Il est 13h16 à Bujumbura et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Francine Diokougayo pour la réalisation de ce journal qui a été mise en onde par François Akimana. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Passez un très bon après-midi.